Unité 1, phonétique. Les consonnes finales et un muet. Activité 1, 2 et 3. Une actrice anglaise. Il est libanais. A. Français. B. Libanaise. C. Allemande. D. Américain. A. Il est anglais. Elle est anglaise. B. Il est américain. Elle est américaine. C. Il est libanais. Elle est libanaise. D. Il est allemand. Elle est allemande.